le salaire d'un footballeur, je compte sur le ticket d'un auto-foot. On m'a déjà présenté le bonheur, mais je l'ai vu comme une photo floue. C'est la photo floue, sans les soucis, me saute au cou. Les autres autour grimpent, mais j'en ai marre de voir que mes potes coulent. Les belles choses coûtent, donc il me faut des sous beaucoup. Sous pression, c'est le casse-tête comme une grille de sudoku. Les couteaux coupent, donc méfie-toi des foutres aux sous. Ici c'est le souk, les jeunes s'en battent, les yeux coups qu'on les fout au trou. Ouais, ouais, tous à terre, on vient marquer le coup et les esprits comme la durite nantaire. Parce qu'à l'ancienne, c'était foot coca. Maintenant les frères se mettent des coups de flash dans l'oreille le soir. Viens pas snober les refs, tout sur la voie publique. Mec, tu bosses pour le titre, coup de crosse dans la vite, vite. Seul ou en équipe, à part d'être mental. Mais à quoi sert le fric à la morgue de l'hôpital? Si un trafic d'organes vient que je t'arrache le cœur. Parfois le cœur parle alors que le pas comme une girl. Éternel loser, fouteur de troupe, 12 heures debout quand c'est l'heure de troll en 12 heures. Bébé, ce soir tu rentres en string, fais pas ta folle. La rétranspire ce qu'on vient retranscrire en métaphore. Mille et une raison de pas la perdre. On garde la pêche, frère, lâche pas, y'a toujours de la fête. Ça assombrit le temps, se resserre les taux, sort de leur trou les taupes. On sera jamais trop dans les troupes, un trouble fait entre autres. Qu'à se tenir sa tête parmi tant d'autres. Tant du slash, pas l'affaire, c'est à des dettes. La dent dure, du mal avec la censure, du mal à me taire. Donc je rappe sans tiède, viens pas chercher la petite bête. Jouer les shows, c'était pas tiède. J'fume du carnaby, ce carnacine avec une carnabine sur un carnapé. Mat PSG OM, grâce au carna satellite. Bagarre, ceinture noire de carnaté. Mais carnatéristique, trop de carnataire. J'veux la Porsche Carnara. Business de gitan dans une carnavane. Trop de carnastrophe, le chef porte le carneçon. Tu sais que c'est grave, les MC font des excès de crack. Veulent tester crash, des textes exécrables. Les sons c'est vrai que c'est crabe. C'est rap sec, c'est grave. Mais mec, fais gaffe, la police perce les crânes. Les plus faibles s'écrasent, car préhensible, incompréhensible. C'est entre que mes frères se dégradent. Moi je check les braves, les vrais, les srap perdant dès le départ. Faut pas qu'on baisse les bras. Savoure mes créations, c'est fini la récréation. Y'aura que des fellations. Suivi de grosses pénétrances. Génération fuck tout. On vient de la banlieue sud, si tu cherches à savoir on sort d'où. Nouveau venu au menu. J'construis les textes les plus sales que tu n'aies jamais entendu. Les corps s'entassent comme dans Sin City. On vit une petite idylle avec le 666. T'es marocard de tout, pas de tout. Tu n'as pas de couilles, sale baltringue. Moi je n'ai pas de crew. Toujours derrière tes potes. Petit combat, c'est vite tes poches. Puis on règle ça, enfin vite tes proches. J'pèse peu dans le move, pourtant tu l'ouvres. Tu me parles de flic, somme. Des ballons, ramène tes baloches qu'on se frictionne. Ouais, j'ai le sourire même quand tu baves sur mon dos. On agit, laisse les putes jaser de façon, y'en aura sûrement d'autres. J'ai peu de temps, alors écoute-moi bien. Je ne mets ni d'eau dans mon vin, ni d'eau dans ma coke, ni d'eau dans ma bière. Je ne vis que d'histoire, d'eau, d'oseille, donc de E, de drogue, de michetonneuse, de flic, de feu, donc de vie et de mort. Constamment, je défie mon sort en défiant vos lois, non, en les déviant. Joe Lucas fait pas semblant, tu connais. C'est Monsieur Kaira, Kaira, flot de source comme Evian. Si, si, si, si, si.